a sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Ça va mieux. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Un petit coucou à tous nos amis Facebook. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, la Suisse et l'Italie. Bonjour la technique. Bonjour Lou. Bonjour Gilou, bonjour les auditeurs. Alors moi je suis toujours en vacances parce que j'ai mon petit rayon de soleil qui est là. Fallait que j'en fasse un. Ah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc vous êtes avec Gilou, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle saison des années bonheur. On ne change pas une équipe qui gagne, la team Gilou. Donc un grand merci à Aline et Uma Massé pour leur collaboration efficace. Je vous accompagne en musique jusqu'à 17h30 en direct. Vous venez d'entendre le nouveau générique, j'espère que cela vous plaira. Toute l'équipe Gilles Mougel officielle espère vous retrouver aussi nombreux que la saison précédente. Pour cette première émission et pour ce retour à l'antenne, j'ai choisi pour une rentrée joyeuse ce thème « Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson ?» Sans fin, et on se souvient. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, en se disant c'est pour la vie. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson, sous les soleils de la nuit. On était peut-être des millions, voilà, qu'est-ce qu'on a dansé, je dirais, sur ces chansons. Puisque nous allons parler des années 80, qui sont toujours actuelles, hein, on est toujours bercé par ces musiques-là. Alors du rythme des chansons romantiques, puisqu'on dansait encore des slow dans les années 80. Maintenant, on n'en danse plus, c'est dommage. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40. Je vous attends nombreux et je compte sur vous. Et bien sûr, à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Alors des bisous au fan club des années bonheur, une pensée pour mes amis Pierre Charby, Danny Blondeau, Jean-François Valence et son épouse Camille. Alors je fais un petit condensé rapide sur les années 80. Donc ils ont marqué la décennie de leur empreinte, je parle des stars bien sûr des années 80, ils incarnent et symbolisent ces années qu'on fait d'eux des stars et ensuite ils ont poursuivi ou non leur chemin artistique. Ils font partie de notre histoire et nous de la leur. Bref, tous ceux qui nous ont fait rêver, danser, aimer et vivre et qui ont plaisir à retrouver comme autant de souvenirs l'indissociable de notre existence. Voilà ce que je voulais dire dans cette intro. Alors nous allons commencer donc par la première chanson. On va écouter un groupe de jeunes hollandais donc qui s'appelle The Short avec cette chanson « Comment ça va ?» Short. Donc un titre de 1983 qui restait de nombreuses semaines ou 8 parades. Alors maintenant on retrouve le groupe Bonhème avec ce titre Rivers of Babylon. Je vous en reparle après. Bonhème. Alors avant de vous parler donc de Bonhème, je voulais dire merci à Patricia, ma petite secrétaire à domicile, pour les anecdotes sur certaines des chansons de la playlist. Voilà. Alors Bonhème, c'est un groupe vocal jamaïcain franco-antillais, dirigé par un producteur Franck Farian, un producteur allemand, dont ce groupe était actif de 1976 à 1985. Donc avec ce titre qu'on vient d'entendre, Rivers of Babylon, et le chanteur était Bobby Farrell, qui est malheureusement décédé il y a quelque temps. Voilà. Alors nous allons maintenant partir pour une nuit de folie, avec début de soirée. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Voilà, début de soirée. Alors là, c'est rythmé, n'est-ce pas, Lou? Ok, oui. On se disait en aparté, c'est dommage qu'il n'y ait pas des cams dans le studio. Eh oui, c'est dommage, vous auriez vu vos animateurs, oui, voilà, techniciens voilà, chanter et danser. On est tous les deux, et puis on a un petit peu bougé les mains, les bras, on a tapé dans les mains. Eh oui. Voilà, c'est bien. Alors, début de soirée, que je vous dise quand même, donc c'est ces deux chanteurs, donc composés de Sacha Gueuler, directeur d'une antenne de radio locale à Marseille à cette époque-là, et William Picard, DJ dans un club d'Aix-en-Provence. Et puis voilà, donc ils se sont réunis tous les deux. Ils ne pensaient pas que cette chanson marcherait. Et en fait, ça fait un gros tube dans cette année 1988. On retrouve maintenant un autre groupe, le groupe Opus, qui nous interprète « Life is Life ». Voilà, Opus, Life is Life. Alors que de souvenir avec cette chanson quand j'étais animateur. Alors pas animateur radio, mais animateur pour des soirées diverses, voilà. Alors Opus est un groupe autrichien. En 1985, le chanteur québécois René Simard fait une version en français sous le titre « Chante la la la ». Et en 2002, c'est au tour de Hermès Hausband de la reprendre. Voilà, du rythme. Nous allons passer maintenant à des chansons un petit peu plus douces, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y avait aussi des chansons romantiques dans les années 80. Nous allons faire un petit quart d'heure américain. Alors quand je dis quart d'heure américain, c'est un groupe qu'a créé mon ami Pierre Charby au début des années 80. Donc on écoute au top des années 50. Au top des années 50, c'est des années 50, y'avait comme aujourd'hui des tas de chanteurs dans notre cœur pour toute la vie. You are my destiny. Des années 50, les démons de minuit s'appelaient My Heart Belongs to Daddy, the blueberry. I found voilà, Donc Pierre Charbit, au top des années 50. Alors si toutefois Pierre, tu m'écoutes, je te fais de gros bisous ainsi qu'à Cathy. Alors nous allons retrouver maintenant un autre chanteur romantique, Rock Voisine, avec cette belle chanson. C'est à ce moment-là qu'on a connu Rock Voisine, qui s'intitule Hélène. On va l'écouter, je vous en reparle après. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Hell, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi. Là où le vent te porte, loin de mon cœur. Qui m'a seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi. Vous êtes toujours sur le 107 FM, Radio Guémozo, les années bonheur. Vous êtes avec Gilou et Lou. Eh oui, je suis toujours là. Ça rime. C'est bien. Oui, en effet. Donc voilà, nous avons entendu Rock Voisine. Alors Rock Voisine est un ancien joueur de hockey que l'on a découvert plus tard, bon, qui est chanteur, qu'on a découvert en 1989 je crois en France. Donc c'est un chanteur québécois, le chouchou de ces dames, tant au Québec qu'en France, n'est-ce pas Lynn et Sandy? Voilà, il fallait que je la fasse. Alors maintenant, on va revenir un petit peu dans le rythme avec ce groupe aussi, Modern Talking, qui nous interprète You're My Heart, You're My Soul. Bien sûr, le standard est ouvert sur notre station. Vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40. Ça nous ferait plaisir. Un petit coucou à l'antenne. Alors justement, j'ai un petit coucou de Dani qui est une fidèle à notre émission et qui me dit que je me suis amélioré en anglais. Alors ça me fait plaisir. J'avais toujours un petit peu de mal. Bon voilà, j'ai un petit peu travaillé pendant les vacances, on va dire. Alors Dani, je te fais un bisou. Hein. Merci. Donc, alors pour Modern Talking, c'est un groupe de rock allemand avec deux chanteurs, Dieter Bohlen et Thomas Andus. Voilà, on les entend, je crois qu'ils ne chantent plus maintenant, voilà. Alors on retrouve aussi, toujours dans le rythme, le groupe Raft, en 1989 avec ce titre « Yaka danser ». Tout casser, originale, la fin des colonies. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Paris est belle et on y voit. Et à cadencer, cadencer, Biggie, Nesuke, gaz et fit tout mélanger, brasser pour tout coller. Et à caroler, swing et secouer, à nous aller, à jamais nous tout lier. Couleur et sans mêler. Chacun ses héros, Varsovie, Uso et Cho, à chacun ses ghettos. Jeté, gitan, humilié, homo pour un bon à rien. Mille indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est mort, Marie est belle. Y'a qu'à danser, Biggie Nesuke, gaz et filles tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swing et secouer, à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et sang mêlé. Gaz et fit tout mélanger, brasser pour tout coller. Y'a qu'à danser, qu'à danser, Biggie Nesuke. Gaz et fit tout mélanger, brasser pour tout coller. Y'a qu'à rouler, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, douleur et s'en mêler. Y'a qu'à danser, qu'à danser, Biggie. Raf, y'a qu'à danser, année 1989. Alors, c'est un groupe français de pop et de reggae des années 80, originaire de Strasbourg, composé de Christian Fougeron et Pierre Schott. Voilà. Alors maintenant, on va retrouver du lourd là, le groupe ABBA, avec ce titre Voulez-vous ? Qu'on s'écoute tout de suite. Voilà. Hanging in the air, giving us fire. voilà, Abba, voulez-vous. Alors Lou, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal ça quand même, hein? Ah bah j'aime beaucoup c'est Abba, bien. J'écoutais beaucoup quand j'étais en 6ème. Abba, ouais, ok. Oui. Enfin, j'écoute plus, mais en 6ème j'écoutais beaucoup, donc les tubes, je les connaissais sont, vraiment. C'est vrai qu'ils sont toujours actuels, de par, ben, bien sûr, on les entend souvent sur les ondes, de par les comédies musicales. Oui, ah bah oui, de déjà, par les films. Les films, oui. Il y a donc je vais y arriver. Mamma Mia 2 qui est sorti au cinéma. Ouais. Voilà. En plus, donc on va reparler de ce groupe cette année. On commence déjà un peu à en parler parce que donc ils ont enregistré deux nouvelles chansons. Ils se sont reformés, si tu veux, le groupe. Ah tiens, ça j'étais pas au courant. Ah, toi, tu apprends quelque chose. Bah je suis plus trop leur actualité. Oui, bien sûr. Non oui. Plus. Donc ils se sont regroupés. Donc Abba, ils ont enregistré deux nouvelles chansons. Alors tout le monde attend ça avec impatience. Ah oui. On va l'entendre où, comment, sous quelle forme, on ne sait pas trop pour tu l'instant. Tu ne sais même pas quel style ce sera, si ce non, sera non, un revival. Pour l'instant, c'est vraiment. C'est secret. C'est secret. Hein. Ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes leur avaient demandé de reformer le groupe puisqu'ils se sont séparés en 82, je crois. 82, 83. Et ils n'ont plus jamais rechanté ensemble. Ouais. On leur avait proposé des sommes faramineuses pour qu'ils reforment le groupe, mais ils ont toujours refusé. Mais là, c'est vrai que c'est une exclusivité, enfin je veux dire une bonne nouvelle. Alors on attend ça avec impatience. Alors il faut savoir quand même qu'Abba, c'est plus de 360 millions de disques vendus. Ça fait partie de ce qu'on appelle les indémodables. C'est, tu as dit là, c'est une émission des années 80. Je regardais les titres, je pensais que j'en connaissais pas beaucoup. Mais bon, oui. Jusque-là, la liste que j'ai faite, il y en a 1, 2, 3, 4 que je connais. Que tu connais. Ça ouais. va. Ouais, sur lesquels j'ai dansé. Parce que bon, voilà les titres des années 80, c'est, voilà, c'est les années disco. C'est indémodable, hein. C'est vrai que ça reste. On les entend toujours, hein, tout ça, voilà. Eh bien, c'est très bien tout ça. Alors maintenant, nous allons revenir un petit peu dans le romantique. Parce que s'il n'y avait pas de romantique dans les années bonheur, ce ne serait pas les années bonheur. Donc avec Frédéric François, qui nous chante en cette année 1982, Aimer. Je t'aime, je t'aime, je ne sais pas où ça. Voilà Frédéric François aimé 1982. Alors Frédéric François était comme plusieurs de ses compatriotes, enfin de ses chanteurs romantiques au creux de la vague dans ses débuts des années 80, puisqu'on a eu la vague disco. Donc voilà, un petit peu dans le creux de la vague, et puis il retrouve le succès en 82, donc en enregistrant ce titre. C'est une reprise d'une chanson allemande d'un grand chanteur outre-Rhin, Andy Borg. On retrouve maintenant Franck Michael avec ce titre « Entends ma voix ». C'est pour toi que j'avais écrit cette chanson et je te la chante encore. C'était mon tout premier refrain, incertain, mais tu l'aimais bien. Souvenir d'un temps passé où nous étions tous les deux, aussi loin que tu sois. Il lui reste encore un peu de toi. Entends ma voix sur un écho des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Entends ma voix qui tremblait pour ne pas mourir. Et quand bien même toi tu m'oublies, il est des amours secrets qu'on oublie après quelques regrets. Il est des amours chagrins qui vous tuent le cœur jusqu'à la fin. Et des illusions, toi seul criais mon nom. Il me suffisait que d'un peu de soleil pour nous rendre heureux. Aujourd'hui, que la vie peut m'offrir tout ce que je veux. C'est vrai qu'on me sourit, mais il me manque un coin de ciel bleu. Des jours heureux. Écoute-la comme si c'était la première fois. Entends ma voix qui tremblait pour ne pas mourir. Elle chante encore et quand bien même toi tu m'oublies, il est des amours qu'on oublie après quelques regrets. Il est des amours chagrins qui vous tuent le cœur jusqu'à la fin. Franck Michael, entends ma voix. C'est dommage, Lou, on est loin l'un de l'autre. On ne pouvait pas danser de slow, là. C'est, hein, c'est... Ah oui, c'est vrai que tout les à l'heure, studios on pouvait de un petit peu sont tellement grands. Tout à l'heure, on pouvait un petit peu se dandiner sur les chansons oui. rythmées, mais là, bon, le slow, ce n'est pas facile en studio. Bah, on profite d'un moment calme. Oui, oui, moi, voilà. Je profite pour dessiner un petit peu pendant les petites pauses musicales. Ah, d'accord, okay. Ça fait du bien. Oui, ok. Alors là, on va aller boire un petit coup à la maison. Avec Gilou, d'ailleurs, il faut bien écouter les paroles. on s'écoute, viens boire un petit coup à la maison. On en reparle après. Cette fois, y'a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de bar, y'a pas de bar, si y'a pas les copains. Allez, viens voir du coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Allez, viens voir du coup à la maison. Et voilà, licence 4. Je sais le bruit du bouchon. Alors, Lou dessine et puis moi, je chante. Enfin, je chante, je bois un petit coup. À ouais, la tu joues de l'accordéon, je savais pas tu ça. Tu savais pas que je jouais de l'accordéon, c'est mais pour ça que non. Je t'ai dit tout à l'heure. Quand j'en ai annoncé le titre, écoute bien, Gilou, avec son petit accordéon. Ah, bah, j'aurais appris une nouvelle chose sur toi en deux ans. Tu vois, ouais, j'ai une petite anecdote avec ça, mais je te la dirai en aparté. Oh. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était aussi les années 80. Ça a fait un gros carton en 1987 et c'était produit par Patrick Sébastien. Voilà. Alors maintenant, on va s'en aller un petit peu dans les îles. Tu voulais dire quelque chose, Lou, peut-être? Non, sinon, non, tu, pas tu du peux, tout. Hein, si tu veux un petit peu intervenir, non, j'ai juste y a pas de tiqué sur Patrick Sébastien, mais c'est, ouais, c'est d'accord. Tout. Okay. Alors on va s'en aller un petit peu sur les îles avec Philippe Laville et Jocelyne Berroard, avec ce titre « Collé serré ». M'en t'ai même oublié, ça m'en t'est carré pour l'important pour nous, t'es salé. Laville, Jocelyne Berouard. Alors Philippe Laville, bien connu avec son grand tube, il tape sur des bambous. Je ne sais pas si ça te parle, Lou, ce titre-là. Non, non, pas spécialement. Grave. Non, ok. Et puis donc après, là, il suffit peut-être que je l'écoute, hein, parce oui, que je sûr. Connais visiblement oui. pas les titres, mais les airs. D'accord. Et puis donc là, il fait un duo avec Jocelyne Berouard, qui est la chanteuse du groupe Kassav, un groupe de zouk. Voilà, dans les années 80 aussi. Tu vois, tu en apprends des choses quand même. Oui. Un petit peu. Mais on en apprend tous les jours. Bien sûr. Alors, personne au 0003 29 62 40 40 pour me souhaiter une bonne rentrée. Oh. Bah si, moi je suis là. Bonne rentrée, Gilou. Merci, Lou. Heureusement que tu es là. Et ça me fait plaisir de faire cette première émission avec toi. Bah, bon, je suis Marc, contente. Il nous entend peut-être, mais il sait de toute façon que je plaisante. Hein, c'est pas pour... c'est pas méchant. Donc... Après avoir zouké, alors je sais pas, je fais encore appel à ta mémoire, mais bon, c'est pareil. Est-ce que tu te souviens du feuilleton Dallas ? Alors, ce grand feuilleton venu des États-Unis, sorti dans les débuts des années 80. Bon, ça a duré sur des années, qui était suivi par un autre feuilleton qui s'appelait, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc voilà, Dallas, un grand feuilleton, ouais, avec JR, Bobby, ça te parle pas ça? Bah, si, si, en fait, je connais, non, j'ai oui, jamais vu nom. Un seul ouais, épisode, ouais. Mais j'en d'accord. ai entendu parler, je crois qu'ils ont fait des références dedans, bah, dans Boule et Bill, ouais, enfin, ouais. pas dans beaucoup de BD, je pense dans une ou deux, ou du moins, moi je me souviens de la BD que j'avais ouais, avant, mais oui, enfin, c'est... après, il y a beaucoup de choses qu'on connaît et qu'on n'a pas vu, ouais, hein, ouais. on peut parler de séries. Alors, dans ce feuilleton, une belle actrice, Audrey Landers, qui après après avoir joué dans cette série là, donc se lance dans la chanson. Et là, elle nous interprète Manuel Goodbye. Audrey Landers, qui maintenant chante en Allemagne. Alors, on va écouter Claude Barzotti, le Rital. Juste avant, je voudrais faire un petit coucou à Maria Marie. Alors, je ne sais plus si c'est son prénom et je m'en excuse si elle m'écoute. C'est une fidèle auditrice qui nous écoute depuis l'Italie. Ah bah oui, en effet. C'est gentil, hein, c'est vrai. Alors je m'excuse auprès d'elle, j'ai peut-être un petit peu écorché son prénom, mais si elle, bon, elle est à l'écoute, je lui fais des gros bisous. Et on écoute le Rital de Claude Barzotti. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Arrive, j'aime les amants de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues les mêmes, ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Voilà Claude Barzotti, un bel artiste que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Je viens de repenser une chose, je repense à ABBA. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai, j'ai oublié. Alors, j'ai eu l'occasion de voir pendant mes vacances, comme je te disais, tu sais, ils font beaucoup de choses. Hein, ils font, donc, les films, voilà. Et il y a un groupe qui s'intitule ABBA Forever, qui est venu faire un concert à Vittel. Alors, c'est très, très, très impressionnant. Enfin, c'est très, très chouette à regarder parce que c'est vraiment... tant sur les tenues que sur l'orchestration donc d'ABBA, tu sais, tu fermes les yeux, tu as l'impression de revenir dans les années 70-80. Ouais. Donc c'était un groupe qui tourne pas mal. J'ai eu contact avec, donc avec le responsable du groupe et même on a parlé un petit peu avec le groupe. Je ne désespère pas de les avoir en studio, en live. C'est intéressant, ah ouais, ça. Ouais, ouais, super. Je pense que ça plairait bien à tous nos auditeurs. Et voilà, donc je ne désespère pas de les avoir. On est en contact sur Facebook avec eux. Donc ils tournent pas mal. Et voilà, je pense qu'ils ont eu pas mal de concerts pendant l'été, tu vois. Et je pense que bon, maintenant, ça va peut-être un petit peu. Voilà. Donc voilà. J'espère de tout mon cœur les avoir, ça serait vraiment sympa. Je l'espère pour toi. C'est quatre musiciens, deux chanteuses et les deux chanteurs, quoi. Voilà. Voilà, je voulais faire cette petite, dire cette petite chose. Donc maintenant, nous allons repartir un petit peu du côté de l'Italie, encore toujours avec Francesco Napoli, qui nous interprète Marina Marina. Hey, mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare. Francesco Napoli. Voilà, c'était aussi un petit peu la mode dans les années 80 et puis 90 aussi, bien sûr, de faire des remixes. Et même sur des anciennes chansons qui étaient remises un peu au goût du jour, tout du moins orchestralement. Alors là, on va partir on va, avec le groupe Niagara, ce titre, L'amour à la plage. On écoute. Thank you. Voilà, Niagara, l'amour à la plage, titre de 1986. Niagara, un groupe de rock français originaire de Rennes, composé de Muriel Moreno pour la chanteuse et Daniel Chevenez. Ils se séparent en 1993. On enchaîne avec les Forbans, pardon, et ce titre chante. Les Forbans. Eh ben on a chaud, hein, Lou. Eh oui. On a bien dansé. Voilà, le groupe de rock français composé de Albert Casali, dit Bébert, donc le chanteur principal du groupe. Un nouvel album va bientôt sortir. J'ai vu ça pas longtemps. Pardon. Voilà, ben écoutez, l'émission se termine. Ah, déjà. Tout doucement, ben oui, ça passait vite quand même. Mais ouais, ça passe vite toujours. Alors, tu peux envoyer le... C'est déjà fait. Excuse-moi. Donc, voici donc la fin de l'émission, bien sûr, qui se termine tout doucement. La semaine prochaine, je retrouverai un ami artiste, Cyril Alexis, et qui est animateur aussi à ses heures perdues chez RCN, une radio partenaire de Radio Gemozo. Voilà. Lou, je voulais te remercier pour la technique et ton sourire. Mais de rien. J'annonce ton émission à 18h, oui. L'heure des loups. Oui. Alors, je te laisse peut-être donner le thème. Oui, de ce soir. Ce soir, j'ai reçu la colonie du centre. Enfin, je l'ai déjà enregistré, mais c'est la colonie du centre des Tronches pour le séjour sport et vidéo qui est venu parler en fait de son séjour et de son projet. Donc, je vous en dis pas plus, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. D'accord, alors soyez à l'écoute. Donc, autrement, j'espère que cette émission vous aura plu, amis auditeurs, auditrices. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures musicales, bien sûr. Portez-vous bien, bonne soirée, bye bye. À bientôt. À bientôt. Pour les jours sans amour, les départs sans retour, pour